Bonjour et bienvenue sur votre émission mensuelle Historia Nancy, le journal par et pour les étudiants de Nancy. L'actualité, la culture, ensemble, nous vulgarisons l'histoire pour la rendre accessible à tous. Eh bien oui, bonjour, bonsoir à tous et à tous nos auditeurs qui nous écoutent. Je suis avec trois chroniqueurs. On a Anaïs Henry. Bonjour. Toujours enthousiaste, décidément. Louis. Bonjour. Et Elio qui est en formation animateur avec moi. Hello, j'espère que ça va tout le monde. Et oui, on est là. Toujours en train de regarder Roland Garros, c'est ça? Exactement, ouais, c'est la dernière française en lice là, actuellement, donc pas le choix. Mes obligations font que, voilà, mon amour pour le sport fait qu'on n'a pas le choix, c'est obligé. Alors, comment ça va? Est-ce que les partiels sont bien passés? Est-ce que vous avez des bons résultats? Alors, pour ma part, moi, je suis trop contente parce que j'avais un peu peur. J'ai toujours ce manque de confiance en moi qui me dit « Tu vas aller au rattrapage », alors que pas du tout, parce qu'à chaque fois, je m'en sors. Donc, non, je suis très contente de ces partiels, c'est cool. Tout va bien. Et bah, c'est super. Et toi, Doui, alors? Et bah, pour ma part aussi, je suis très content. J'ai mon année sans rattrapage, sans rien du tout. Donc, j'ai enfin validé ma licence d'histoire. Je suis Champagne, trop content. On va fêter ça. Et Edio qui... nous rejoins en Infocom, c'est ça? Bah normalement, ouais, l'année prochaine, je rejoins l'équipe des Infocom, ouais, parce que j'ai un peu abandonné l'histoire vers le mois d'avril. Donc, ouais, pour me concentrer sur mon futur projet de journalisme du sport, j'ai trouvé que l'histoire était un peu loin pour moi pour faire ce projet. Et alors toi, Théo? Et moi, du coup, j'ai eu, pareil, ma licence. Et là, je suis en train de rechercher un contrat en alternance parce que mon master, c'est un peu la galère. Ouais. Je pense bien. C'est clair. Donc, on connaît ça, donc on va se mettre dans l'ambiance avec une musique de Dua Lipa. Elle est venue en spectacle à Paris faire un petit concert. Somebody like you used to be afraid of love and what it might do. But goddamn, you got me in love again. You got me in love again. You got me in love again. You got me in love again. Again. So many nights my tears fell harder than. waouh, waouh, waouh, waouh. Ça met d'ambiance, non, cette musique. Ah ouais. Ouais. On pète le feu dans les studios, là. Il fait chaud en plus, en mois de juin et tout. Là, il fait chaud avec la pluie. On a la clim à fond dans le studio. Allez, on commence avec Louis, avec une chronique sur Roland Garros, il me semble, c'est ça. Exactement, je vais vous parler donc de Loïs Boisson, qui joue actuellement quand on tourne ça. Donc, Loïs Boisson a 21 ans, elle est la révélation inattendue, mais ô combien éclatante de ce Roland Garros 2025. Elle est en train d'écrire l'un des plus beaux contes de ce printemps sur le terre battue. À Paris, devant un public conquis, la niçoise aux frappes audacieuses a brisé les pronostics et déjoué les tableaux pour pouvoir disputer aujourd'hui ce 4 juin 2025, un quart de finale face à Mira Andreeva, qui est la 6e mondiale. L'exploit qu'elle vient de réaliser est encore plus grand que ce que vous pensez. Il y a un an, elle devait déjà participer à Roland Garros, c'était la petite jeune qui montait. Elle venait de remporter 3 ITF consécutifs, soit 15 victoires de rang, mais surtout un mois avant Roland Garros, elle avait remporté son premier tournoi WTA. Elle reçoit donc une invitation pour le tournoi à Roland Garros, mais elle doit déclarer forfait à cause d'une rupture du ligament du genou. Elle retrouve les terrains qu'en avril 2025, après plusieurs longs mois de labeur. Mais cette année, malgré qu'elle soit retombée à la 350e place mondiale, le tournoi parisien lui renvoie une invitation. Pour son tout premier Roland, un an après sa grave blessure, elle ne cesse de nous impressionner. Dès le premier tour, elle fait un exploit. Elle bat la Belge Elise Mertens, 22e joueuse mondiale. Au deuxième tour, elle corrige l'Ukrainienne Anelina Kalinina, puis remporte le troisième tour face à Elsa Jacquemot. À ce moment, l'inquiétude revient. La joueuse française ressent une douleur dans son genou, mais ce n'est que de courte durée. Elle réalise le plus grand exploit de sa carrière jusqu'ici en l'emportant face à la troisième mondiale, Jessica Pegula. Elle devient alors la première joueuse française à se hisser en quart de finale depuis 8 ans. Ce qui est impressionnant chez elle, c'est sa force mentale mais également sa simplicité. Un vent de fraîcheur souffle donc sur Roland Garros et avec elle, une nouvelle ambassadrice au tennis féminin français s'impose. Alors que la génération Garcia-Cornet touche à sa fin, Loïs Boisson incarne une relève inattendue mais crédible. Elle joue juste, elle ose, elle respire le plaisir. Qu'elle s'arrête aujourd'hui face à Mira Andreeva ou qu'elle aille encore plus loin, Loïs Boisson a déjà marqué Roland 2025 et surtout, elle vient de poser les bases d'une très grande carrière à venir. Roma, Roma, Gaga, ooh la la, what's your bad romance? Roma, Roma, Gaga, ooh la la, Et vous savez ce que ça m'est pensé ? On est fiers d'être français. Bien sûr oui, parce que la trend TikTok, on la connaît. Hein. Allez, on continue avec Anaïs qui va nous parler de la 20e édition du Jardin du Michel. 20 ans qu'on danse, qu'on chante et qu'on fait la fête. Effectivement, nous allons parler de l'événement musical majeur de notre région, donc le Jardin du Michel, ou JDM pour les intimes, qui a soufflé ses 20 bougies cette année lors d'une édition exceptionnelle du 29 mai au 1er juin 2025. Donc c'est à Dommartin-les-Toul que le festival a fêté cette grande date. Pour marquer l'événement, une journée supplémentaire a été ajoutée à la programmation, ce qui a permis aux festivaliers de profiter de 4 jours de concerts non-stop dans une ambiance survoltée, pour mon plus grand bonheur à moi. Au programme, une programmation éclectique et intergénérationnelle, fidèle à l'ADN du festival. On y retrouvait des artistes confirmés comme Riles, Superbus, Kyo, Polo et Pan, Dub Inc, O2N ou encore les légendaires Funky Family. Mais aussi des pépites montantes comme Adé, une ancienne chanteuse de Thérapie Taxi qui a conquis le public avec sa pop mélancolique et moderne. Et puis bien sûr le rock déjanté de Silmaris qui a été appelé à la dernière minute pour remplacer le groupe Ultra Vomi, contraint d'annuler. Un remplacement salué par le public car Silmaris a une histoire particulière avec le festival. Il faisait partie des premiers à performer sur la scène du festival en 2002, même avant que le JDM s'appelle le Jardin du Michel, lorsqu'il était encore à Bulligny. On peut donc dire que la boucle est bouclée avec émotion. Ce qui fait la force du Jardin du Michel depuis 20 ans, c'est bien plus que sa programmation puisqu'il est organisé par la coopérative Turbulence et s'appuie sur une démarche éthique et participative. Il repose en grande partie sur l'implication des bénévoles, de structures locales et sur des actions concrètes en faveur du développement durable. Gobelets réutilisables, tri sélectif, transport collectif et sensibilisation à l'environnement sont autant de gestes qui montrent qu'un grand événement peut aussi être éco-responsable. Le JDM s'adresse à un public large, familles, jeunes, habitués de la première heure, authentiques, loin des festivals trop formatés. En 20 ans, le Jardin du Michel a vu défiler des milliers d'artistes, des découvertes aux têtes d'affiches et s'est imposé comme un acteur culturel majeur non seulement dans la région, mais aussi au niveau national, tout en conservant une dimension humaine et locale qui le rend si attachant. Cette édition 2025 n'a fait que confirmer cela, un public fidèle, une ambiance festive et bienveillante et des concerts qui resteront gravés dans les mémoires, une réussite totale. Vous étiez près de 25 000 festivaliers à fouler les pelouses du Jardin du Michel cette année. Et si on devait retenir une chose, c'est que le JDM n'est pas qu'un simple festival, c'est une communauté, une aventure humaine et artistique qui rassemble des valeurs fortes depuis 2 décennies. On a déjà hâte de voir ce que nous réserve l'édition 2026. J'avais envie d'écouter du Superbus qu'on a pu voir performer au JDM, alors c'est parti pour Superbus avec Butterfly. Dans le monde. par cette foutue bataille. Je m'accroche à tes mots dans le moindre détail. De beaux choix de musique. Merci pour ta chronique. Ça donne vraiment envie d'aller aux IDM. Merci. Il y a beaucoup d'artistes connus, mine de rien, hein, qui y vont. Et notamment Elio qui aime bien Ultra Vomit, c'est ça ? Ouais, ouais, j'aime bien le groupe. Sympa. On poursuit par toi, Elio, du coup, qui va nous parler de la victoire du PSG, il me semble. Eh oui, extraordinaire. D'ailleurs, avant de commencer la chronique, petite anecdote, j'étais place Stanislas au moment des célébrations. C'était magique, franchement. Et j'ai l'impression qu'il y avait même plus de monde que pour la célébration avec les joueurs. De l'AS Nancy Lorraine, j'y étais. Franchement, c'était impressionnant et c'était un très beau moment. C'est incroyable. Et 1, et 2, et 5-0. Effectivement, le Paris Saint-Germain est champion d'Europe. Ce n'est donc pas un rêve. Le PSG remporte enfin, après 13 ans d'attente et l'arrivée du nouveau projet dirigé par QSI, Qatar Sport Investissement, la coupe aux grandes oreilles. Ce nouveau Paris Saint-Germain complètement métamorphosé depuis l'arrivée d'un homme, Luis Enrique. Ces choix, très souvent discutés par les différents journalistes et suiveurs du monde du football, ont été balayés d'un revers avec cette masterclass en finale de Ligue des Champions. Mais c'est vrai, il faut le souligner, Paris revient de loin. À l'avant-dernière journée de Ligue des Champions, le PSG se retrouvait 25e au classement de la phase de Ligue. Jusqu'au déclic, avec cette victoire 4-2 face à Manchester City, où Paris a su renverser la vapeur avec un sang-froid extraordinaire. Cette victoire, fondatrice pour les Parisiens, leur permettra d'accéder au barrage puis à la phase d'élimination directe en balayant Brest 10-0 sur les deux confrontations. Le PSG a successivement éliminé, lors de cette phase à élimination directe, Liverpool annoncé comme le grand favori de la compétition avec un match complètement dingue à Anfield, remporté aux prolongations au tir au but avec un énorme Gigio Donnarumma qui s'est enfin révélé comme le gardien qu'on attendait. En quart de finale, il a fallu affronter Aston Villa, emmené par l'ancien technicien parisien, Unai Emery. Match assez compliqué sur la phase retour, mais les Parisiens ont été globalement en maîtrise, mais se sont fait très peur à Villa Park. Enfin, pour finir ce beau parcours, c'était Arsenal qui les attendait en demi-finale, qui avait éliminé le Real de Madrid, annoncé encore une fois comme favori de la compétition. Pour couronner ce beau parcours, une grande équipe qui avait fait forte impression se dressait devant les Parisiens. L'Inter de Milan, qui au bout d'un match dantesque avait éliminé le FC Barcelone en demi-finale au bout d'une double confrontation extraordinaire. Cependant, lors de cette finale, l'Inter de Milan a été inexistant, humilié par des Parisiens survoltés qui ouvrent le score à la 12e minute avec l'un des joueurs les plus impactants de la saison, Achraf Hakimi, sur un caviar de Désiré Doué. Mais comme si cela ne suffisait pas, le jeune Parisien qui en patron vient doubler la mise à la 20e minute sur une action extraordinaire et un but pleine lucarne. L'Inter, sous le pressing incessant des Parisiens, n'arrive pas à réagir et se laisse dominer par un Paris Saint-Germain intouchable. Après la mi-temps, le PSG ne s'arrête pas et continue de se projeter vers l'avant et Désiré Doué, le futur Golden Boy, inscrit un doublé à la 64e minute. Paris est sur un nuage et Paris inscrit un quatrième but à la 74e minute avec le magicien géorgien Gvira Kvaratskhelia arrivé à la mi-saison. Enfin, pour finir en beauté, le spectacle à la 86e minute, c'est le Titi parisien Seni Mayoulou qui est venu inscrire un cinquième but pour le PSG qui envoie le Paris Saint-Germain au 7e ciel. le Paris Saint-Germain est la première équipe à remporter une Ligue des Champions avec 5 buts d'avant, 5-0. C'est tout simplement extraordinaire. Le coup de sifflet final retentit à Munich qui libère les Parisiens. À Paris et dans toutes les grandes villes, les supporters parisiens célèbrent cette victoire magique. Après tant d'années de galères et de combats, après tant de joueurs passés par le club, des légendes qui eux aussi auraient mérité de remporter cette coupe aux grandes oreilles, Thiago Silva, Blaise Matuidi, Zlatan Ibrahimovic, Marco Verratti, Edinson Cavani et j'en passe. Alors les derniers mots que j'aurai sont à dire merci Paris. Eh ben, dis donc, merci beaucoup Elio pour cette magnifique chronique pleine d'entrain. Ah, c'est des émotions, hein, franchement. Moi, j'étais fou, j'ai encore du mal à redescendre, franchement. Alors maintenant, c'est à mon tour de vous parler de ma chronique, qui va parler de Tomblaine, une ville riche et dynamique. Bienvenue dans votre chronique culturelle de juin. Aujourd'hui, cap sur Tomblaine, petite commune de Meurthe-et-Moselle qui devient chaque année une scène à ciel ouvert, grâce à son fabuleux festival aux actes citoyens. Ce n'est plus qu'un simple festival de théâtre, c'est un véritable cri de cœur en faveur de la création artistique engagée, de la citoyenneté et du vivre ensemble. Créé dans les années 90 par Agnès et Hervé Ferron, Depuis plus de 34 ans, cet événement mêle théâtre, musique, humour, danse et j'en passe, en gardant bien sûr une ligne directrice forte, donner la parole à celles et ceux qui dérangent, qui éveillent et qui questionnent le monde. Cette année encore, les artistes invités interrogent notre société sur des planches. On parle d'écologie, de migration, de démocratie. Et on rit aussi beaucoup, parce que l'engagement peut être joyeux. Le cœur battant du festival, c'est aussi sa proximité avec le public. Pas de barrières, pas de paillettes superficielles. Ici, l'art descend dans la rue, au plus près des habitants. Les bénévoles fidèles depuis des années, on y retrouve chaleur et humanité. En 2025, aux actes citoyens, fait plus que jamais écho à notre époque. Face aux tensions sociales et aux défis climatiques, il rappelle que la culture est un levier d'émancipation, de dialogue et d'espoir. Pour ceux qui ne le savent pas, Hervé Ferron organise le Festival de l'air et du vent, les éoliennes à Tomblaine. Un spectacle sportif et gratuit qui accueille les championnats de France de cerf-volant acrobatique pendant 3 jours, du 13, 14 et 15 juin. Alors si vous passez près de Nancy, ouvrez grand vos oreilles, grand vos yeux, car à Tomblaine, l'art agit et développe l'atmosphère communale. Et maintenant, pour terminer cette chronique, nous allons écouter une musique de Hugo F, du dernier qui sortira. Merci Tomblaine. Lorsqu'ils auront fermé les dernières écoles, qu'ils auront confisqué le geste et la parole, bâillonner les penseurs, effacer les couleurs, censurer les poètes, les bibliothèques. Le dernier qui sortira éteindra les lumières. Le dernier qui sortira éteindra les lumières. Quand il n'y aura plus le moindre festival et qu'on aura donné le dernier récital, lorsqu'ils auront fermé les maisons de la culture et qu'auront vacillé d'insolentes sculptures, le dernier qui sortira éteindra les lumières. Le dernier qui sortira éteindra les lumières. Lorsque seront fanées toutes nos illusions, ils auront étouffé notre imagination. Ils auront aboli le droit d'impertinence. Ils auront interdit toutes nos différences. Le dernier qui sortira éteindra les lumières. Le dernier qui sortira éteindra les lumières. Alors l'obscurité tombera sur la terre. Le dernier qui sortira éteindra les lumières. Il n'y aura plus d'amour, plus de larmes à pleurer. Il n'y aura plus de jour et plus d'humanité. Nous n'aurons plus le droit de cracher dans la rivière, le droit de ne rien faire, d'écrire de travers. Parce qu'ils auront fermé les dernières écoles, qu'ils auront confisqué le geste et la parole. C'est pour ça qu'aujourd'hui je te chante, je te crie, camarade mon frère, ne te laisse pas faire. Le dernier qui sortira est éteindra les lumières. Le dernier qui sortira éteindra les lumières. Le dernier qui sortira éteindra les lumières. Merci Hugo F pour la chronique et pour cette chanson. Bravo Théo pour ta chronique, ouais. Merci beaucoup. Une très belle chanson hein, qui l'a écrite. Donc une personne qui a fait l'Olympia à Paris. D'ailleurs, c'est incroyable d'ailleurs. Il est très humain, très humble. Et on va passer du coup à la confusion. C'était la fin de cette émission du mois de juin. Et oui, donc pour cette fin d'émission, moi j'aurais une question à vous poser. Quelle est votre meilleure anecdote sur les 3 ans de licence que vous venez de vivre? Alors moi je pense que c'est les fous rires que j'ai eu en classe, mais je suis une bonne élève, hein, j'écoute, hein, mais c'est juste j'ai eu un énorme fou rire parce qu'il y a une pote à moi qui est tombée de sage du banc de l'amphithéâtre, et j'avoue que c'était vraiment hilarant parce que tout le théâtre, enfin tout l'amphi s'est retourné sur nous, et on a eu un fou rire et on pleurait de rire et la prof a dû nous sortir. Voilà, c'était en L1, elle s'en rappellera si elle écoute. Moi j'ai du mal à identifier un meilleur souvenir sur mes 3 années, mais moi je dirais plus généralement c'est ma dernière année, elle a été super, bah, très intense, mais j'ai fait énormément de choses à la fac, je suis investi dans 2 associations et j'ai pu découvrir plein de personnes en dehors même de la licence d'histoire. Et ouais, je crois que ça, c'est l'un de mes meilleurs souvenirs. C'est pas très précis, mais c'est sur toute l'année. L'investissement, c'est de l'argent. Exactement. Même si là, j'en gagne pas beaucoup. Bientôt, la richesse. On va prendre la place des grands groupes de médias, bientôt. On espère. Elio. Bah moi, ça fait qu'une année que je suis à la fac, mais du coup, bah, en vrai, sur les cours en soi, j'y ai pas. C'est des anecdotes un peu trop que je peux pas développer, malheureusement, parce que c'est sur des profs et tout, donc du coup, c'est voilà. Mais par contre, ouais, ma meilleure anecdote à moi, bah, c'est au SUAPS, au service des sports universitaires. Je me suis trouvé un petit sparring partner au SUAPS en badminton. Et en fait, depuis le début de l'année, on se la cogne entre guillemets au badminton. Et le but, c'est que on veut pas se laisser gagner mutuellement. Vraiment, c'est des combats acharnés, parfois des matchs qui durent 40-50 minutes. Donc, petite dédicace à Sofiane, mon petit partenaire de simple en badminton. Voilà. Et toi, Théo, ta meilleure anecdote? Moi, ma meilleure anecdote. Alors déjà, je suis arrivé en fin de l'E3, donc de licence Infocom. Et j'étais beaucoup pris par beaucoup d'engagements en dehors. Donc c'est vrai que j'ai pas eu le temps de dormir. Oh, mais des gens me disaient, mais comment t'arrives à faire tout ça, à dormir? Mes parents qui disaient ça, je leur disais, bah écoutez, je dormirai quand je serai mort. Voilà. C'est une passion qui repos naît, éternel. Le repos. Et moi je dis que même notre rédactrice en chef corrige des articles à chaque fois, Et ça, c'est un super travail hein, quand même. Oui. Des fois c'était un peu long, mais d'ailleurs j'ai pas parlé de mon rôle au sein de Historia, mais bien sûr c'est une très bonne anecdote et j'en suis très fière. Et je vous remercie tous pour le soutien que vous avez apporté au journal. Et voilà, un petit instant mélancolique. Et puis nous on te remercie Anaïs, hein. Magnifique hein, franchement, heureusement merci. Que t'étais là, franchement bravo pour ton travail. Merci pour tout. Bravo à tous, bravo à vous tous. Et voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à tous d'avoir été là. Merci à vous, chers auditeurs. On se retrouve très vite pour une nouvelle émission d'Historia. Prenez soin de vous et à très bientôt.